Bonjour à toutes et à tous, voici donc la deuxième séquence du cours sur l'économie du web et du document. Après avoir apprivoisé la technique, démarré nos échanges et abordé le champ général du cours, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en posant les fondations qui nous permettront de développer notre analyse sur tous les terrains que nous allons parcourir dans les séquences futures. Les premiers échanges que nous avons initiés la semaine dernière vont donc s'intensifier. J'ai répondu à vos questions de la séquence sur les cahiers. J'ai remarqué dans la première séquence que vous n'aviez pas encore tous été actifs. Pour ce cours, nous avons vraiment besoin de la participation de tous. Ne soyez donc pas timides, mais généreux. Les apports et les questions de chacun contribuent à la compréhension de tous, y compris de la mienne. Cette séquence est donc consacrée aux particularités économiques de l'information et du document. Nous allons les discuter à partir d'un texte qui les expose et d'une série de citations qui les déclinent. Nous constaterons, pour conclure cette séquence, que malgré l'originalité de cette économie, elle reste soumise aussi, paradoxalement, aux mêmes contraintes de logistique que nombre d'industries traditionnelles. Pour cette séquence, vous devez aussi avoir choisi la question d'actualité que vous exposerez bientôt sur un billet et l'avoir reformulée dans cette semaine. Si ce n'est pas encore fait, dépêchez-vous pour ne pas prendre de retard. Et attention, la semaine prochaine, c'est le quiz. N'oubliez pas d'être présent à l'heure indiquée sur le plan du cours. Alors, au plaisir d'échanger avec vous et de discuter de toutes ces questions complexes mais bien passionnantes.